Scène 7e, St. Crux in the Marsh. C'est ici que vous coucherez. Faites votre toilette et redescendez ensuite chez moi. L'amiral est de retour et vous commencerez dès aujourd'hui par le servir au dîner. À ces mots, Mrs. Drake, la femme de charge, referma la porte, et la nouvelle parlour maid demeura seule dans la chambre qui lui était assignée à St. Crux. On était au 25 février, à ce jour qui promettait tant d'événements nouveaux. 4 mois après le dépôt fait par Mrs. LeCount entre les mains de l'exécuteur testamentaire, des instructions particulières laissées par Noël Vanstone, la combinaison contre laquelle cette femme habile avait tout d'abord et surtout voulu se prémunir, cette combinaison venait de se réaliser. La veuve de Mr. Noël Vanstone et la contre-lettre adressée à l'amiral Bartram se trouvaient réunies sous le même toit. Jusqu'alors, les événements avaient tourné, sans exception, en faveur de Magdalene. Jusqu'alors, elle n'avait trouvé aucun obstacle sur le chemin de St. Crux. Louisa, dont elle portait maintenant le nom, voguait depuis 3 jours vers l'Australie avec son mari et son enfant. Or, c'était la seule créature vivante à qui Magdalene eût confié son secret, et d'ores et déjà celle-là se trouvait hors de vue, bien loin du rivage anglais. Elle s'était montrée jusqu'au bout soigneuse, sincère et fidèlement dévouée aux intérêts de sa maîtresse. Elle avait subi l'épreuve de son entrevue avec la femme de charge, sans rien oublier des instructions par lesquelles on l'y avait préparée. Elle avait elle-même proposé de mettre à profit le délai de 6 semaines, occasionné par le deuil de famille survenu chez l'amiral, pour continuer les enseignements pratiques sans lesquels sa maîtresse aurait infailliblement compromis le succès de son audacieux stratagème. Grâce au temps ainsi gagné, lorsque Louisa fut mariée et lorsque le jour de la séparation fut venu, Magdalene avait appris, dans le plus menu détail, tout ce que lui pouvait enseigner son ex-femme de chambre. Le jour où elle franchit le seuil de St. Crux, elle abordait son entreprise désespérée, forte de cette présence d'esprit qu'elle avait eue à déployer récemment au sein des circonstances les plus critiques. Forte également de ses talents acquis en vertu desquels elle pouvait se présenter sans blesser aucune vraisemblance sous des dehors supposés, mais plus forte encore de ces 2 mois pendant lesquels un exercice quotidien l'avait familiarisée avec les devoirs domestiques de l'emploi qu'elle prétendait remplir. Une fois restée seule, après le départ de Mrs. Drake, elle défit sa malle et s'habilla pour la soirée. Elle mit une robe d'étoffe grise, demi-deuil prescrit à tous les domestiques de par les instructions de l'amiral en mémoire de Mrs. Girdlestone, un tablier de mousseline blanche, puis un joli bonnet et un col blanc garni de rubans qui assortissaient la robe. Sous cette livrée féminine, avec cette simple robe fermant au cou, ce joli petit bonnet blanc rejeté en arrière, Magdalene, dans ce costume simple et séant, le plus modeste et en même temps le plus attrayant que puisse porter une femme aux yeux de tout homme qui n'est pas un marchand de nouveautés, Magdalene dissimulait presque absolument les tristes altérations que de longues souffrances mentales avaient fait subir à sa beauté. Habillée comme les dames le sont pour aller dans le monde, la poitrine à découvert, et dans ces roides étoffes de soie qui font du vêtement une espèce d'armure, l'amiral ne l'aurait peut-être pas remarqué, venant à l'apercevoir dans son salon. Tout au contraire, avec cet ajustement à la fois chaste et coquet, aucun admirateur de la beauté, arrêtant une fois son regard sur elle, n'aurait pu se dispenser de la contempler à loisir. En descendant l'escalier pour retourner chez la femme de charge, elle passa successivement devant l'entrée de 2 longs corridors dallés sur lesquels ouvrait une double rangée de portes. L'un était situé au 2nd étage, l'autre au 1er. Que de chambres, pensait-elle en regardant ces portes nombreuses, et combien de recherches avant de découvrir ce que je voudrais trouver ici. En posant le pied au rez-de-chaussée, elle rencontra un vieillard, d'aspect fatigué, qui s'arrêta pour la contempler avec l'intérêt le plus visible. C'était le même qu'avait vu le capitaine Raig dans l'arrière-cour de St. Crux, occupé à sculpter un petit modèle de navire. Il était connu dans tous les environs et à quelques lieues à la ronde comme le bossman de l'amiral. Mais son véritable nom était Maisé. Sur le visage chagrin et ridé du vieux matelot, 60 ans avaient tour à tour écrit leurs annales de rudes travaux en mer, d'amples libations une fois à terre. 60 ans avaient mis sa fidélité à l'épreuve, et avait finalement amené au port, dans le château de son maître, leur voyage une fois terminé, cette carcasse disloquée par plus d'une tempête. Ne voyant personne autre à qui s'informer, Magdalène pria le vieillard de lui indiquer par où elle pourrait gagner la chambre où résidait la femme de charge. « Certainement, ma belle, » dit le vieux Maizet, parlant avec cette voix haute et profonde, apanage particulier de la surdité. « Vous êtes la nouvelle venue, pas vrai ? Et un beau brin de fille par-dessus le marché. Son honneur, l'amiral, aime que sa femme de salon soit bien créée de partout. Vous ferez l'affaire, ma belle, c'est moi qui vous le dis. » « Ne prenez pas garde à ce que peut vous conter Mr. Maizet, » remarqua la femme de charge, qui avait ouvert sa porte au moment où le vieux marin rendait à Magdalène cet hommage familier. « Il a pour privilège de bavarder tant qu'il veut. Ses habitudes sont quelquefois très incommodes et généralement assez peu séantes, mais en somme, il n'a rien de méchant. » Tout en excusant ainsi ce vénérable débris du service maritime, Mrs. Drake conduisit Magdalène d'abord à l'office, puis à la lingerie, l'installant avec toutes les formalités requises dans les départements domestiques qui allaient devenir son domaine spécial. Cette cérémonie terminée, on fit monter la nouvelle parlour maid pour lui montrer la salle à manger, laquelle ouvrait sur le corridor du premier étage. Là, elle reçut l'ordre de mettre le couvert, et pour une personne seule, Miss George Bartram n'étant pas revenu à St. Crux avec son oncle. Les yeux subtils de Mrs. Drake surveillait attentivement Magdalène pendant qu'elle inaugurait ainsi ses nouvelles fonctions. Et la conviction particulière de Mrs. Drake, une fois le couvert mis, la contraignit de reconnaître que, pour ceci du moins, la nouvelle domestique entendait parfaitement son métier. Une heure plus tard, le potage fut placé sur la table et Magdalène, debout derrière le fauteuil vide de l'amiral, attendit seule, de pied ferme, le premier regard d'inspection qu'il allait jeter sur elle à son entrée dans la salle à manger. Une grosse cloche retentit dans les régions inférieures. Un piétinement rapide et lourd se fit entendre sur les dalles du corridor. La porte s'ouvrit brusquement, et un grand vieillard maigre et jaune, l'œil vif et la lèvre narquoise, le geste inquiet et bruyant, entra suivi de deux grands chiens de Terre-Neuve et vint précipitamment s'asseoir à table. Les chiens ne le quittaient pas, et s'installèrent des deux côtés de son fauteuil avec une gravité, un calme suprême. C'était l'amiral Bartram, c'étaient les convives de son repas solitaire. « Ah oui, oui, voilà certainement la nouvelle parlour maid, » commença-t-il en jetant sur Magdalène un regard investigateur, mais qui n'avait rien de désobligeant. « Votre nom, ma bonne ?»« Louisa, dites-vous. »« Eh bien, si cela vous est égal, je vous appellerai Lucy. » « Enlevez le couvercle, ma chère petite. Je suis aujourd'hui en retard d'une ou deux minutes. N'allez pas vous autoriser de ceci pour manquer demain de ponctualité. Ordinairement, je suis régulier comme l'horloge. Votre voyage vous a-t-il fatigué ? De la station ici, ma carriole à ressort a dû vous secouer un peu. Voici une fière soupe. Un véritable incendie. Elle me rappelle nos potages des Indes occidentales, tels que nous les avalions en 1803. Vous a-t-on donné votre demi-deuil ? Avancez à l'ordre, et que je vois. Très bien, c'est propre, élégant, bien arrangé. Pauvre Mrs. Girdlestone, pauvre chère créature. Vous n'avez pas peur des chiens, n'est-ce pas, Lucy ? Hein ? Comment dites-vous ? Vous aimez les chiens ? À merveille. Soyez toujours bonne pour les animaux qui ne parlent pas. « Ces deux chiens-ci dînent avec moi tous les jours, sauf quand j'ai du monde. »« Celui qui a le nez noir s'appelle Brutus. »« Celui qui a le nez blanc s'appelle Cassius. »« Vous a-t-on jamais raconté qui étaient ces gens-là ?»« Des Romains d'autrefois. »« À merveille. »« Parlez-moi d'une petite fille instruite. »« Attention à vos livres et à votre aiguille. »« Nous vous trouverons quelque jour un bon mari. »« Enlevez le potage, mon enfant. »« Enlevez-moi bien vite ce potage. » Tel était le possesseur du secret à la découverte duquel l'existence de Magdalène était désormais consacrée. Tel était l'homme dont le nom avait été substitué au sien sur le testament de Noël Vanstone. Le poisson et le rôti suivirent. Les divagations de l'amiral continuaient, tantôt sous forme de soliloque, tantôt adressées à la soubrette et tantôt aux deux chiens, aussi familières, aussi décousues que jamais. Magdalène observa, non sans quelque surprise, que les convives de l'amiral n'avaient jusque-là reçu aucun des débris laissés sur l'assiette de leur maître. Ces deux magnifiques animaux, accroupis sur leur arrière-train et leurs puissantes têtes posées sur la table, surveillaient avec la plus scrupuleuse attention la marche du repas, mais sans paraître s'attendre à y participer le moins du monde. Le rôti fut enlevé, l'amiral changea d'assiette, et Magdalène enleva les cloches d'argent qui recouvraient les deux entrées aux deux côtés de la table. Lorsqu'elle passa aux mains de son maître le premier de ses plats richement assaisonnés, les chiens semblèrent prendre tout à coup un intérêt particulier et direct à cette complication du drame gastronomique. Brutus, en vrai glouton, laissa découler de sa gueule aux deux longs filets de bave et la langue de Cassius, qu'une inexprimable attente mettait en relief, fumait entre ses énormes mâchoires. L'animal se servit d'une main prodigue, envoya Magdalène vers le buffet en lui demandant du pain, et lorsqu'il se crut à l'abri de son regard, vida furtivement dans la gueule de Brutus tout le contenu de son assiette. Cassius poussa un faible gémissement lorsqu'il vit son fortuné camarade engloutir d'un seul trait tant de bonnes choses. « Taisez-vous, imbécile !» murmura l'amiral. « Votre tour viendra !» Magdalène présenta le second plat. Comme naguère, le vieux gentleman se servit abondamment. Comme naguère, il la renvoya du côté du buffet. Comme naguère, il vida tout le contenu de son assiette dans la gueule du chien. Mais Cassius, pour le coup, fut l'objet de cette faveur, ainsi qu'on pouvait l'attendre d'un maître prudent et d'un homme impartial. Quand arriva le service suivant, composé d'un simple pudding et d'une crème plus ou moins malsaine, Magdalène vit se confirmer les idées qu'elle commençait à se faire sur le rôle que les chiens jouaient pendant le dîner. Tandis que le maître se contentait du pudding vulgaire, les chiens avalaient la crème préparée à grands frais. L'amiral était évidemment placé entre ces deux craintes, ou de désobliger son chef de cuisine, ou de faire tort à sa digestion. Brutus et Cassius, complices dressés par lui, l'aidaient chaque jour à sortir sain et sauf des cornes de cet affreux dilemme. « Excellente, excellente !» disait le vieux gentleman avec la plus transparente duplicité. « Dites au chef, mon enfant, que la crème était parfaite. » Quand elle eut placé sur la table le vin et le dessert, Magdalène allait se retirer. Mais avant qu'elle eût gagné la porte, son maître la rappela. « Doucement, doucement !» disait l'amiral. Vous ne connaissez pas encore, ma bonne Lucie, les us et coutumes de la maison. Mettez ici, à main droite, un autre verre. Et le plus grand que vous pourrez trouver, mon enfant. J'ai un troisième chien qui n'arrive qu'au dessert. Un vieux chien d'eau salée, ivrogne associé à mes destins, sur terre et sur mer depuis 50 ans et plus. C'est cela, voilà bien le verre qu'il nous faut. Vous êtes une brave fille. Une fille alerte et bien apprise. N'ayez pas peur, ma petite, il n'y a pas de quoi s'effrayer. » Un coup violent frappé contre la porte et suivi d'un aboiement poussé par chacun des deux chiens avait fait tressaillir Magdalène. « Entrez !» cria l'amiral. La porte s'ouvrit. Les queues de Brutus et de Cassius tambourinèrent joyeusement sur le parquet et le vieux Maizet vint se placer, la tête haute, à la droite du fauteuil de son maître. Le vieux marin se tenait là, les jambes largement écartées et ménageant avec soin son équilibre, comme si la salle à manger eût été une cabine et le château un navire ballotté sur les vagues mobiles. L'amiral remplit de porto le grand verre qu'il avait demandé, versa dans le sien une rasade de 20 francs et le portant à ses lèvres. « Dieu bénisse la reine, Maizet, » dit l'amiral. « Dieu bénisse la reine, votre honneur, » répéta le vieux Maizet, qui engloutit son porto comme les chiens avaient englouti les entrées, c'est-à-dire d'un seul trait. « Et le vent, Maizet ?»« Nord-nord-ouest, votre honneur. »« Y a-t-il lieu à rapport ce soir, mon brave Maizet ?»« Pas de rapport, votre honneur. »« Bonsoir, Maizet. »« Bonsoir, votre honneur. » Les rites de l'après-dîner se trouvant ainsi complets, le vieux Maizet tira sa révérence et sortit de la salle. Brutus et Cassius s'étendirent sur le devant du feu pour digérer, dans les meilleures conditions possibles, les mets recherchés dont on les avait gavés. « Dieu nous rende vraiment reconnaissants des biens que nous tenons de lui, » dit l'amiral. « Descendez, ma bonne petite, allez souper. » ménagez-vous aussi, pour peu que vous m'en veuillez croire, ménagez-vous sous peine de cauchemar. Se coucher tôt, ma chère, et se lever de bonne heure, voilà la santé, la richesse et la sagesse d'une fillette comme vous. » C'était la maxime proverbiale de nos aïeux, et il n'y a pas là de quoi sourire. Bonne nuit. Ce fut en ces termes que Magdalen fut congédiée, et c'est ainsi que s'acheva, chez l'amiral Bartram, sa première journée d'épreuve. Après le déjeuner, le lendemain, les instructions données par l'amiral à sa nouvelle parlour maid comprirent une mission d'ordre spécial qui, les projets de Magdalen étant donnés, avait pour elle un grand intérêt. Pendant une absence que le vieux gentleman devait faire ce jour-là, certaines affaires locales l'appelant à Ossory, elle reçut ordre d'explorer, pour la connaître à fond, toute la partie habitée du château et d'étudier la situation des différentes chambres de manière à savoir au juste où l'appellerait chaque coup de sonnette. Mrs. Drake était chargée de la piloter pendant ce voyage de découverte à l'intérieur, à moins cependant qu'elle n'en fût empêchée par ses occupations, auquel cas l'une ou l'autre des domestiques subalternes pourrait tout aussi bien servir de guide à Magdalen. L'amiral partit pour Ossory vers le milieu du jour, et Magdalen se présenta chez Mrs. Drake pour qu'on lui montrât le château. Mrs. Drake se trouva occupée d'autres soins et s'en remit à la principale femme de chambre. La principale femme de chambre était précisément, ce matin-là, tout aussi affairée que Mrs. Drake. Elle renvoya Magdalen aux femmes de chambre en second. Ces demoiselles déclarèrent, à l'unanimité, qu'elles étaient en arrière de leur ouvrage et n'avaient pas une minute à perdre, ajoutant, et sans y trop mettre de forme, que le vieux Maisie n'avait rien à faire au monde et qu'il connaissait le château tout aussi bien, sinon mieux, que son ABC. Magdalen reçut cette indication avec une rancune et un mépris secret qu'elle eut grand-peine à dissimuler. Elle avait déjà soupçonné, la veille au soir, et ceci lui était désormais confirmé, que toutes les femmes attachées au service de l'amiral opposaient à son admission parmi elles une méfiance sournoise aussi unanime que difficile à comprendre. Mrs. Drake, elle l'avait vue de ses yeux, était bien réellement absorbée dans ses comptes ce matin-là, mais de toutes les suivantes en sous-ordre qui tour à tour s'étaient excusées, pas une n'avait pris la peine de feindre un surcroît d'occupation. Leur physionomie disait clairement « Vous ne nous plaisez point, et nous n'avons aucune envie de vous promener dans le château. » Elle découvrit le vieux Maisie, non pas d'après les indications incomplètes qu'on lui avait données, mais en se guidant sur le bruit que faisait le vieux matelot, lequel chantait, de sa voix éraillée et chevrotante, au fond d'une retraite lointaine, un couplet de cette immortelle chanson de mer, Tom Bowling. Juste au moment où elle s'arrêtait parmi les corridors inextricables qui se croisaient au rez-de-chaussée, ne sachant trop de quel côté se diriger, elle entendit cette vieille voix discordante beugler à tue-tête les vers si après. « Jamais vit-on beauté plus achevée, son cœur n'avait pas un défaut, après avoir en bas fait sa corvée, Tom manœuvre à présent là-haut. » Magdalen, se dirigeant du côté d'où partait la voix, finit par se trouver dans une petite pièce ayant vue sur une arrière-cour. Là était assis le vieux Maisie, ses lunettes perchées à l'extrémité de son nez, et de ses vieilles mains noueuses, gréant tant bien que mal le petit navire en miniature dont jadis nous l'avons vu sculpter la coque. Là étaient avec lui Brutus et Cassius, digérant en paix devant le feu et ronflant de manière à prouver que ce doux farniente leur était particulièrement agréable. Lord Nelson s'y trouvait aussi, aquarelle flamboyante accrochée à l'un des murs, et en face était le portrait du dernier vaisseau sur lequel l'amiral eut porté son pavillon, vaisseau voguant à toute voile sur des flots d'ardoise et surmonté, pour rendre l'illusion plus complète, d'un beau ciel couleur saumon. « Comment ? Elles ne veulent pas vous montrer le château ?» dit le vieux Maisie. « Je m'en charge alors. » « Cette femme de chambre en premier, ma petite, a un caractère aussi aigre qu'il n'en fut jamais. Vous êtes trop jeune et trop gentille pour leur plaire. Voilà ce qui les ennuie. » Il se leva, ôta ses lunettes, et tandis que d'une main débile il réédifiait son feu. « Droite comme un peuplier, » disait le vieux Maisie, lorgnant de côté la taille de Magdalène et se parlant à lui-même comme dans une sorte de demi-sommeil. Je dis qu'elle est droite comme un peuplier, et son honneur l'amiral est de mon avis. Venez, ma petite, continua-t-il, interpellant de nouveau Magdalène. Mais d'abord, il me faudra vous apprendre les airs devant. Quand vous connaîtrez vos airs, qu'ils soufflent fort ou qu'ils soufflent faible, vous naviguerez sans peine par toute la maison. Il la précéda vers la porte, puis fit halte et, se rappelant tout à coup son petit modèle de navire, il rebroussa chemin pour le serrer dans une armoire vide. Ensuite, il reprit le chemin de la porte, mais il s'arrêta de nouveau, se remémorant le froid qu'il faisait dans certaines chambres, et se mit à rôder de ça et de là, grommelant et jurant, à la recherche de son chapeau qu'il n'avait pas sous la main. Magdalène s'était assise et attendait patiemment la fin de tous ses retards. Elle comparait avec reconnaissance le bon vouloir du vieux matelot au refus malveillant de la domesticité féminine. Si fermement qu'on lui résiste, est-elle fierté qu'on lui oppose, tout mauvais procédé volontaire, encore qu'il soit digne de mépris, parvient toujours à nous blesser au vif. Magdalène ne comprit bien à quel point la mesquine malice des suivantes de l'amiral l'avait réellement affectée, qu'en se trouvant si sensible aux rudes bontés du vieux marin. La muette bienvenue des chiens, lorsque le mouvement qui se faisait dans la chambre les eut tirés de leur sommeil, la pénétra plus profondément encore. Brutus vint fourrer dans sa main l'extrémité de son mufle énorme, et Cassius posa sur ses genoux une patte amicale. Aussi, tandis qu'elle les flattait de la main et répondait à leurs caresses, le cœur de la jeune fille s'attendrissait sur ces deux animaux. Il lui rappelait les chiens de Combraven, avec lesquels, hier encore, lui semblait-il, elle avait tant couru dans les jardins et passé tant d'heures délicieuses, assise à l'ombre sur le gazon pendant les belles matinées d'été. Le vieux Maizet finit par trouver son chapeau et, suivi des chiens, ils partirent pour leur tournée d'exploration. Quittant le rez-de-chaussée du château, qui était entièrement consacré aux usages domestiques, ils montèrent au premier étage et pénétrèrent dans le long corridor avec lequel Magdalène avait déjà fait connaissance le soir précédent. « Adossez-vous à ce mur, » dit le vieux Maizet, montrant du doigt la longue muraille, irrégulièrement percée de fenêtres donnant sur une cour et un vivier. Muraille qui formait, par rapport à la situation actuelle de Magdalène, le côté droit du corridor. « Adossez-vous ici, » dit l'ancien matelot, « et regardez devant vous. Qu'avez-vous sous les yeux ?»« Le mur en face, » dit Magdalène. « Oui, oui, mais encore. » « Des portes ouvrant sur les chambres. » « Et ensuite ?»« Je ne vois pas autre chose. » Le vieux Maisie cligna de l'œil, gloussa une espèce de ricanement et levant son doigt noueux du côté de Magdalène pour donner plus de poids à ce qu'il allait dire. « Vous voyez, ma petite ?» Une des aires devant. Lorsqu'adossé à ce mur, vous regardez droit devant vous, c'est au nord que vous regardez. À l'avenir, si vous arrivez de vous perdre, tournez le dos à ce mur, regardez droit devant vous et dites-vous, sans crainte de vous tromper, c'est le nord que j'ai en face. Faites cela comme une bonne petite fille que vous êtes et vous ne perdrez jamais vos hauteurs. Après cette explication préliminaire, le vieux Maizet ouvrit la première des portes, à main droite, le long du couloir. Elle conduisait dans la salle à manger que Magdalène connaissait déjà. La pièce d'ensuite était arrangée en bibliothèque, la troisième en salon de jour. Les quatrième et cinquième portes, toutes deux appartenant à des chambres délabrées et inhabitées, toutes deux fermées à clé, les amenèrent à l'extrémité de l'aile nord du château et à l'entrée d'un second passage plus court que le premier, sur lequel il venait tomber à angle droit. Le vieux Maizet, qui, pendant l'investigation des chambres, avait assez également employé son temps, tantôt à parler de son honneur l'amiral, tantôt à siffler les chiens, revint, une fois là, et avec tout l'empressement du monde, à ses fameux airs devant. Et il somma gravement Magdalène de répéter la cérémonie déjà faite, en s'adossant de nouveau à la muraille. Elle voulut abréger, en l'assurant, tout à fait à bon droit, que placée comme elle l'était, elle se savait faisant face à l'est. « Ne parlez pas de l'est, ma petite, » dit le vieux Maizet, immuable dans ses procédés d'enseignement, « avant d'avoir, au préalable, fait connaissance avec l'est. Adossez-vous à ce mur et regardez droit devant vous. Qu'avez-vous devant les yeux ? » Le reste du catéchisme continua comme devant. Arrivé au bout du chapitre, le professeur de Magdalène se montra satisfait. Un clignement d'yeux, un ricanement en sourdine, l'attestèrent à son élève. « Maintenant, ma petite, disait ce vétéran des mers, parlez de l'Est tant qu'il vous plaira, car maintenant vous savez ce que c'est. » Le corridor Est, au bout de quelques mètres, débouchait dans un vestibule sur lequel ouvrait une porte à deux battants placée en face d'eux et qu'ils durent ouvrir pour passer outre. Cette porte leur livra l'accès d'un grand salon au plafond élevé, garni comme tous les autres appartements d'un mobilier de prix mais tout à fait suranné. Traversant cette pièce dans toute sa longueur, le guide qui suivait Magdalène alla pousser une lourde porte à coulisses, faisant exactement face à celle par où ils étaient entrés. « Mettez votre tablier sur votre tête, » dit le vieux Maizet. « Nous arrivons maintenant à la salle des banquets. La dalle y est froide, et l'humidité tient à ces vieilles murailles comme les cancres là à un bateau de charbon. » Son honneur, l'amiral l'a baptisé le passage arctique. Et moi aussi, je lui ai donné un nom. Je l'appelle Glace la Moelle. Magdalène franchit le seuil et se trouva dans la vieille Banqueting Hall de Saint-Croix. À sa gauche, elle voyait une série de hautes fenêtres ouvertes dans de profondes embrasures et s'étendant sur un front de plus de 200 pieds. À sa droite, et d'un bout à l'autre du mur opposé, pendait une affreuse collection de vieilles toiles noircies que la moisissure détachait de leur cadre et qui représentaient des combats de terre ou de mer. Au-dessous des tableaux, au centre de cette longue muraille, s'ouvrait comme une caverne une énorme cheminée que surmontait un lourd manteau de marbre noir. Le seul meuble, si tant est qu'on pût l'appeler un meuble, visible dans le vide de l'immense pièce, était un vieux trépied aux formes élancées et en métal curieusement ciselé qui, debout au milieu de la salle, supportait un brasier rond où était encore amoncelé, à une assez grande profondeur, les cendres d'un feu de charbon depuis longtemps éteint. Le haut plafond, jadis sculpté et doré par d'habiles artistes, était enfumé, sali, revêtu de toiles d'araignée. Aux deux bouts de la chambre, l'humidité avait inscrit maintes et maintes taches sur les murs dénudés, et le froid du dallage en marbre traversait l'étroite bande de paillassons qu'on avait étendue parallèlement aux fenêtres, bande qui semblait un sentier frayé pour les voyageurs à travers cette solitude désolée. On aurait pu lui trouver un meilleur nom que celui sous lequel le désignait le vieux Maizet, Glace la Moelle. Ces trois mots renfermait la description fidèle de la salle des banquets à Saint-Croix. « Est-ce que vous n'allumez jamais de feu dans cet affreux endroit ?» demanda Magdalène. « Cela dépend du côté de Glace la Moelle où réside l'amiral, » répondit le vieux Maizet. « Son honneur aime à changer de quartier. Il se transporte tantôt à un bout du château, tantôt à l'autre. S'il habite au nord de Glace la Moelle, c'est-à-dire la portion d'où vous venez, nous ne gaspillons pas notre charbon dans ces régions-ci. Tout au contraire, s'il habite le sud de Glace-la-Moelle, c'est-à-dire les appartements où nous allons nous rendre, nous allumons la houille dans la cheminée et le charbon de bois dans le brasier. Toutes les nuits, cela fait, l'humidité vient à bout de nous. Mais nous recommençons le matin et tant que dure le jour, nous venons à bout de l'humidité. » Sur cette remarquable explication, le vieux Maizet, se dirigeant vers le bas de la salle et ouvrant encore d'autres portes, promena Magdalène dans un nouvel appartement composé de 4 chambres, toutes de dimensions modestes, et meublées toutes à fort peu de choses près, comme celle de l'aile septentrionale. Elle regarda par les fenêtres et vit les jardins négligés de Saint-Croix envahis par les mauvaises herbes et les broussailles. Ça et là, parmi l'enclos et dans un rayon assez peu étendu, les méandres doucement infléchis d'un de ces cours d'eau tour à tour alimentés ou épuisés par les marées, que nous signalions plus haut comme particuliers à ce pays, se laissaient apercevoir brillantes au soleil à travers certaines éclaircies de la végétation. En se portant plus au loin, le regard planait, du côté de l'est, sur le plat pays, tacheté çà et là de petits villages, traversés, retraversés par son réseau de « backwaters », et à l'extrémité duquel se dressait brusquement la longue ligne droite de ce mur maritime qui protège seul la côte d'Essex contre l'envahissement des flots. Avons-nous encore d'autres chambres à voir ? Demanda Magdalène, cessant d'examiner le jardin et cherchant de l'œil, autour d'elle, une porte qui ne se fût pas encore ouverte. « Aucune, ma petite, » répondit le vieux Maizet. « Nous échouons ici. Autant vaut virer de bord et retourner d'où nous venons. Il y a bien un autre corps de bâtiment, au mini de vous, quand vous êtes ainsi placé. Mais il menace toujours de vous tomber sur la tête. Si vous avez envie de le voir, il vous faudra descendre dans le jardin. Une cloison de briques, construite à l'envers du mur que voici, l'isole complètement de l'endroit où nous sommes. C'est là, au sud de nous, ma petite, que les moines habitaient il y a des centaines d'années, avant qu'il fût question de l'amiral ou de sa naissance. Et d'après ce que j'ai ouï dire, les bons pères y menaient joyeuse vie. Ils chantaient à l'église toute la matinée, et toute l'après-midi buvaient du grog dans leur verger. Ils cuvaient ensuite leur grog sur les meilleurs édredons, et d'un bout de l'année à l'autre, s'engraissaient aux dépens du voisinage. Les heureux mendiants que cela faisait, mon Dieu, évite-t-on jamais chance pareille ? Apostrophant ainsi les religieux d'autrefois, et regrettant évidemment de n'avoir pas vécu lui-même dans cette ère de prospérité, le vieux matelot reconduisit Magdalène par toutes les chambres qu'ils avaient traversées. Lorsqu'ils rentrèrent dans celle qu'il appelait Glace-la-Moelle, la jeune fille prit les devants. « Droite comme un peuplier, » marmottait à part lui le vieux Maizet, clochant derrière sa belle compagne, ébranlant son vénérable chef en signe de cordiale admiration. Je n'ai jamais beaucoup tenu au pays d'où elles étaient, mais je les ai toujours aimées droites et bienvenues, et jusqu'au jour de ma mort, je persisterai à les aimer droites, à les aimer bienvenues. Y a-t-il d'autres chambres à voir là-haut, au second étage ? Demanda Magdalène, lorsqu'ils furent revenus ensemble à leur point de départ. Sa voix, naturellement riche et bien timbrée, avait jusqu'alors assez facilement pénétré l'oreille un peu dure du vieux matelot. Aussi fut-elle un peu étonnée de le trouver plus sourd qu'une cloche à cette dernière question. « Possédez-vous bien vos airs devant ? » lui demandait-il. « Si vous n'en êtes pas bien sûr, adossez-vous encore à ce mur, ma petite, et nous les répéterons toutes en commençant par le nord. » Magdalène l'assura qu'elle se sentait désormais très familiarisée avec toutes les airs, le nord y compris, et ensuite, elle répéta sa question sur un ton plus élevé. L'obstiné vétéran lui opposa une surdité plus complète que jamais. « Oui, ma petite, vous avez raison, il fait grand froid dans ces corridors, et si je ne vais pas veiller à mon feu s'éteindra, n'est-il pas vrai ? Vous reste-t-il encore quelques doutes au sujet des vents ? Venez alors avec moi, et je me charge d'éclaircir la chose. » Il lui jeta un coup d'œil bienveillant, siffla les chiens, et s'en alla traînant la patte. Magdalène l'entendit glousser et s'applaudir en ricanant d'avoir mystifié la curiosité qu'elle avait manifestée au sujet du second étage. « Je sais comment il faut s'y prendre avec elle, » se disait le vieux Maizet, exalté par son triomphe. « Petite ou grande, indigène ou étrangère, légitime ou de contrebande, je sais m'y prendre avec elle. » Restée seule, Magdalène se chargea de montrer tout ce que valait appliquer à elle l'excellent système du vieux matelot, en montant immédiatement l'escalier afin d'observer par elle-même le second étage. Le corridor dallé y était exactement semblable à celui du premier, sauf qu'un plus grand nombre de portes y avait issu. Elle ouvrit l'une après l'autre au hasard les deux plus proches et constata que les chambres où elle donnait accès étaient toutes deux des chambres à coucher. La frayeur d'être découverte par l'une des domestiques dans une partie du château où ne l'appelait aucune de ses fonctions lui conseilla de ne pas pousser trop loin, dès le début, ses investigations à l'étage spécialement réservé pour la nuit. Elle franchit précipitamment le couloir d'un bout à l'autre pour voir où il aboutissait, découvrit à son extrémité une sorte d'entrepôt de vieux meubles dont la position correspondait exactement à celle du vestibule, situé, comme nous l'avons dit, à l'étage inférieur, et tout aussitôt rebroussa chemin. Sur sa route, en revenant, elle remarqua un objet auquel jusque-là elle n'avait point pris garde. C'était un petit lit de fer à roulettes, parallèle au mur, et placé à l'extrémité des chambres à coucher, tout contre une des portes. Malgré ce que cette situation avait d'incommode et d'inusité, le lit, selon toute apparence, devait être occupé la nuit, car les draps y étaient mis, et l'extrémité d'un de ces épais bonnets rouges que portent les pêcheurs se laissait entrevoir sous le traversin. Magdalène osa bien ouvrir la porte auprès de laquelle était placé le lit, et se trouva, ainsi que le lui firent conjecturer certains indices, dans la chambre où l'amiral se retirait pour dormir. Un examen de quelques secondes fut tout ce qu'elle crut pouvoir se permettre, et refermant doucement la porte, elle s'en retourna aux régions habitées par la domesticité. Cette couchette basse, et le poste singulier qu'elle occupait, devinrent pour tout le reste de l'après-midi le sujet des réflexions de Magdalène. Qui donc au monde pouvait coucher là? Le souvenir du bonnet de pêcheur, est-ce qu'elle savait déjà de la fidélité toute canine avec laquelle Maizet se dévouait à son maître, aidèrent Magdalène à deviner que le vieux marin pourrait bien être l'hôte nocturne du lit à roulettes. Mais avec des chambres à revendre comme il y en avait dans le château, quelle raison pouvait-il avoir d'occuper la nuit un poste si incommode et si froid? Pourquoi dormait-il ainsi en sentinelle devant la porte de son maître? Existait-il dans le château quelque péril nocturne contre lequel l'amiral eut à se mettre en garde? La question pouvait paraître absurde, et néanmoins la situation de ce lit forçait irrésistiblement Magdalène à se demander ceci. Poussée par une curiosité qui lui était presque impossible de réprimer, elle ne craignit pas de questionner la femme de charge. Avouant qu'elle avait parcouru d'un bout à l'autre le corridor du second pour voir s'il était aussi long que celui du premier, elle laissa percer l'étonnement que lui avait causé cette couchette si étrangement située. Mrs. Drake répondit aux questions indirectes qui lui étaient ainsi adressées, en termes assez laconiques et empreints d'une certaine vivacité. « Je ne blâme point une jeune fille comme vous l'êtes, disait la vénérable dame, de montrer quelque curiosité à son début dans une maison aussi étrange que celle-ci. Mais rappelez-vous, une fois pour toutes, que l'étage des chambres à coucher n'intéresse en rien votre service. C'est Mr. Maisie qui couche sur ce lit dont la position vous a étonné. Il a pour habitude de passer ainsi les nuits à la porte de son maître. » Les lèvres de Mrs. Drake se fermèrent sur cette insuffisante explication et ne se rouvrirent plus. Un peu plus tard, dans le courant de la même journée, Magdalène trouva l'occasion de s'adresser au vieux Maisie lui-même. Elle aperçut ce vétéran de l'armée de mer, évidemment fort bien disposé, qui fumait sa pipe et faisait chauffer devant son propre feu un petit pot d'étain rempli d'ale. « Monsieur Maisie, lui dit-elle hardiment, pourquoi dressez-vous votre lit dans ce corridor glacial ? Eh quoi ? Vous êtes donc montée, petite scélérate, répliqua le vieux Maisie, dont les yeux, en quittant son pot de bière, avaient pris une expression narquoise. Magdalène répondit par un sourire et un geste de tête. Allons, allons, dites-le-moi, reprit-elle ensuite avec une nuance de flatteuse familiarité. Pourquoi couchez-vous devant la porte de l'amiral? Et pourquoi, ma petite, séparez-vous vos cheveux au milieu du front? Demanda le vieux Maisie avec un autre regard oblique et malin comme le premier. C'est, j'imagine, que j'y suis habitué, répondit Magdalène. Bah, vraiment, reprit le vieux loup de mer. C'est bien là votre seule raison? Eh bien, ma petite, le motif que vous avez de séparer vos cheveux au milieu du front est exactement celui que j'ai moi pour coucher devant la porte de l'amiral. Ah, mais ce que je sais m'y prendre avec elle, reprit le vieux Maisie en ricanant, lorsque ce bref dialogue fut devenu un soliloque. Puis, remuant son nez avec un geste où éclatait le sentiment de triomphe, « Grandes ou petites, indigènes ou étrangères, légitimes ou de contrebande, je sais m'y prendre avec elles. » Le troisième et dernier essai de Magdalène, pour pénétrer le mystère de la couchette, fut tenté pendant qu'elle servait le dîner de l'amiral. Les questions du vieux gentleman sur l'emploi qu'elle avait fait de sa journée lui fournirent l'occasion d'aborder ce sujet sans ombre de présomption ou de familiarité déplacée. Mais il se trouva aussi impénétrable, à sa manière, que l'avait été à la leur. « Le vieux Maisie et Mrs. Drake. »« Cela ne vous regarde pas, ma petite, » dit l'amiral avec une pointe de brusquerie. « Ne soyez pas trop curieuse. Feuilletez là-bas votre ancien testament. » Et voyez tout le préjudice porté aux habitants de l'Éden par la curiosité à laquelle ils se laissèrent aller. Soyez sage, mon enfant, et n'imitez pas votre mère Ève. » Magdalène, remontant seule dans sa chambre, assez avant dans la soirée, et venant à passer devant le corridor du second étage, s'arrêta pour écouter. Un paravent était placé à l'entrée du couloir, de manière à le dérober au regard des personnes qui passaient sur l'escalier. Le ronflement qu'elle entendit de l'autre côté du paravent lui donna le courage de se glisser par une de ses extrémités et de faire quelques pas dans le corridor. La main placée de manière à masquer la clarté de son flambeau, elle se risqua jusque dans le voisinage immédiat de la porte de l'amiral et s'aperçut, non sans surprise, que depuis qu'elle ne l'avait vu quelques heures auparavant, le petit lit avait changé de place. Il était exactement en travers de la porte et barrait le passage d'une manière absolue à quiconque aurait essayé de pénétrer dans la chambre où cette porte donnait accès. Après une pareille découverte, le vieux Maizet lui-même, ronflant à plaisir, le bonnet rouge tiré jusque ses sourcils et les couvertures ramenées jusque sur son nez, n'était plus, en comparaison de sa couchette, qu'un objet de secondaire importance. Il était désormais hors de doute que le vieux loup de mer couchait en sentinelle devant la porte de son maître et que dans le secret de cette conduite inexplicable, l'amiral et la femme de charge étaient entières avec lui. « Résultat étrange, » pensait Magdalène, réfléchissant sur la découverte qu'elle venait de faire, tandis que d'un pas furtif, elle regagnait sa propre chambre à coucher. « Étrange résultat d'une journée étrange !»